Je m'appelle Lebedev. Lebedev, mademoiselle. Oui, monsieur. Prenez place et attendez votre tour. Parmi les malades? C'est impossible, estimée demoiselle. Ah, alors restez debout. Mais vous attendrez quand même votre tour. Voyons, honorable demoiselle, je ne suis pas malade. Je suis venu ici pour m'entretenir avec monsieur le professeur Platonov d'une affaire urgente. D'une affaire, pour ainsi dire, le concernant personnellement. Étant entendu que monsieur le professeur fait partie de la haute société et que cette société risque d'être ébranlée, disloquée à jamais. Je ne vous suis pas, monsieur. Vous êtes venu aux heures de visite des malades et vous voulez entretenir monsieur le professeur... D'une affaire urgente. Vous avez très bien compris. Et maintenant, allez m'annoncer, je vous prie. Et n'oubliez pas de dire à monsieur le professeur que monsieur Lebedev est là. De quelle affaire s'agit-il? Je ne peux tout de même pas interrompre les consultations. Mais vous sans... me faites perdre un temps extrêmement précieux. Si la catastrophe arrive, je vous en rendrai responsable, mademoiselle. C'est bien, monsieur. Je vais vous annoncer à monsieur le professeur. Mais je me demande... Vous vous appelez monsieur Lebedev et vous voulez m'entretenir d'une affaire urgente. C'est cela même, très estimé professeur. Tout mon espoir, comme celui de la haute société de Saint-Pétersbourg, repose sur vous. Hé, la haute société de Saint-Pétersbourg. Vous considérez-vous comme son représentant, monsieur Lebedev? Oh, moi, non, mais vous l'êtes indiscutablement. Passons, exposez-moi votre affaire le plus brièvement possible, je vous prie. Eh bien, je vais vous expliquer cela en deux mots. Mais d'abord, un préambule. Ou vous vous attaquez directement à l'affaire, ou je commence mes consultations. Eh bien, trouvons un compromis, très estimé professeur. Le compromis est le roi du monde. Oui, ayez la bonté de reconduire ce monsieur. Oh, vous êtes un homme irascible. Oh, je m'avoue vaincu et j'attaque directement l'affaire. Le prince Mishkin a perdu la raison. Attendez, s'agit-il du jeune prince Mishkin qui a séjourné de nombreuses années en Suisse? De lui-même. Votre perspicacité est grande. Que lui arrive-t-il donc? Je viens de vous le dire, il a perdu la raison. Et en quoi se manifeste son aliénation mentale, je vous prie? Il suffit que je vous dise qu'il projette d'épouser une femme déshonorée, une certaine Nastasia Philipovna. Titi, monsieur Lebedev, déshonorée. Ah, quel vilain mot. Et pourquoi est-elle déshonorée, s'il vous plaît? Mais cela a été la maîtresse de monsieur Totski. Et à présent, elle vit en concubinage avec un fils de marchand, un certain Rogozin. Et puis? Mais que vous faut-il de plus, très estimé professeur? Qu'elle devienne une véritable fille publique? Non, je n'en demande pas tant. Mais imaginez-vous que je considère Nastasia Philipovna comme une femme somme toute honnête. Oh. Elle se permet de faire ce que beaucoup d'autres rêvent simplement de faire. Mais honorable professeur, cette dernière affirmation est digne d'un nihiliste. D'un réaliste seulement, monsieur Lebedev. Voyons les choses en face. Nastasia Philipovna... a en plus d'une grande beauté, beaucoup d'argent. Argent reçu de M. Totski, argent reçu de M. Rogojin. Et d'autre part, elle possède des meubles, des diamants, des perles, des châles de prix, que sais-je encore. Par conséquent, je considère qu'en se mariant avec Nastasia Philipovna, le prince Mishkin, loin de faire preuve d'aliénation mentale, révèle au contraire un esprit fort pratique. Vous m'avez appelé, monsieur? Oui, ayez la bonté de reconduire M. Lebedev. Faites-vous là, sur les marches de l'église, prince? Je regarde. Je regarde cette petite église assoupie. Elle éveille en moi de très vieux souvenirs. Prince, je ne pourrai plus jamais être en paix avec moi-même. J'ai failli vous trahir. Ah? Et dans quel but, s'il vous plaît? Je ne sais pas, honorable prince. Si j'étais un Talleyrand, j'aurais intrigué contre les chefs d'État. Hélas, je ne suis qu'un Lebedev. Alors j'essaie d'intriguer contre les petits nobles, les marchands et les fonctionnaires. Et maintenant, frappez-moi. Frappez-moi en plein visage. Mais non, je ne peux pas le faire. Même pour apaiser mes remords. Je me suis rendu chez le professeur Platonov pour qu'il vous fasse placer sous tutelle. Ah. Et que vous a répondu le professeur Platonov? Il m'a répondu textuellement... Si on devait mettre sous tutelle des hommes comme le prince Michkine, il ne resterait plus personne pour assumer le rôle de tuteur. Oui, j'ai failli vous trahir, crapuleusement. Mais à partir de maintenant, vous pouvez compter sur mon dévouement, un dévouement sans borne, car je suis prêt à verser mon sang pour vous. Lebedev parti, je me dirigeais vers la maison de Nastassia Philippovna. Mais décidément, cette journée ne me réservait que des surprises désagréables. Avant d'arriver chez Nastassia, je me heurtais à Kolia. Hippolyte meurt. Enfin, il prétend qu'il va mourir et pas plus tard que ce soir. Et il ne veut pas abandonner le monde sans vous dire adieu et vous confier un secret. Venez, prince. Écoutez, prince. Je vais très mal. Je pense que je n'en ai plus pour longtemps. Mais vous sachant ridiculement désarmé contre la méchanceté du monde, je ne vais pas m'en aller d'ici sans vous prier de prendre garde à Parfen Rogojin. Je suis là de me méfier, de prendre garde, Hippolyte. Je sais, je sais. Cependant, il le faut. Rogojin est un homme qui ne cède pas facilement ce qu'il estime qui lui revient. Il n'y a pas de comparaison entre lui et vous. Quand il veut quelque chose, il fait tout pour l'obtenir. Et vous avez raison, peut-être. Je ne me sens pas de taille à lutter contre un Rogojin ou contre qui que ce soit. Il faut vous secouer. Il faut réagir. Si vous ne vous souciez pas de votre personne, songez à Aglaï Ivanovna. Aglaï? Oui, à elle. Rogojin sait combien vous aimez Aglaï. Perdu pour perdu, vous lui avez enlevé Nastassia Philippovna. Eh bien, pour se venger, il assassinera Aglaï. Et vous en souffrirez. Et vous verserez toutes les larmes de votre corps. Et vous vous écrirez enfin que cette terre soit maudite et que les hommes qui l'habitent périssent tous. Hippolyte avait atteint son but. Je le quittais complètement démoralisé. Revenant sur mes pas, je me dis que tout ça ne pouvait finir que par une catastrophe. Lorsque j'arrivais chez Nastassia Philippovna, je la trouvais dans un état voisin de la démence. Elle tremblait et gémissait. Je viens l'apercevoir. Je viens l'apercevoir dans le jardin, dissimulé derrière un arbre. Mais qui? Mais Rogojin. Il me guette. Il se prépare à m'assassiner. La veille de notre mariage. Peut-être m'égorgera-t-il cette nuit même. À ce moment, on lui livra sa parure de mariée qu'elle avait commandée à Saint-Pétersbourg. Et oubliant Rogojin et ses craintes, elle se précipita vers les paquets. Regarde! Regarde, prince! Ma robe n'est-elle pas belle? Oh, qu'elle est belle! N'est-ce pas? Je complimentais Nastassia sur sa robe, sa couronne, ses gants, etc. Elle m'écoutait avec une sorte de ravissement et semblait très heureuse. Nastassia est vraiment une enfant, pensais-je mélancoliquement. Je n'avais pas le droit de la priver de ce cadeau royal que sera pour elle notre mariage. Mais abandonnant soudain sa parure, elle se dressa devant moi, le visage crispé, et s'écria avec désespoir. C'était l'idiot. Un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, Jean-Jacques Delbault, Lebedev, Maurice Bénard, Platanov, Jean-Pierre Lorrain, Kolia, René Ferral, Hippolyte, Odette Villy, l'assistante sociale, et Sylvia Montfort, Nastassia Philippovna. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.